groupe cathodique m'a renvoyé des visions d'enfants d'Afrique armes à la main, à l'âge où l'on joue encore à l'élastique. Des guerres partout dans le monde, génocide, épuration ethnique. Les vautours se groupaient en masse dès qu'il est question de fric. Des despotes sur tapis rouge au pays des droits civiques. Des étudiants pacifistes se faire lyncher par les flics. J'ai vu le visage de la misère dans les ruelles de Gaza, le sourire d'un mendiant plein de dignité. Deux fois j'ai vu des touristes pleins de préjugés dans la médina se dire à quel beau pays, mais ils sont pas comme nous ces gens-là. J'ai vu comment les médias installent la paranoïa, payent des jeunes de Tess pour faire flipper mamie à l'heure du repas 2002. J'ai compris à quel point ils étaient dangereux quand une nation entière a dû se plier à leurs règles du jeu. Le regard des gens changer, la peur au fond de l'iris, une barbe sur une pommade faisant de quelqu'un un membre du fils. J'ai vu un océan de tristesse inonder ce monde, des gens frappés par le malheur et des mecs prenant pour James Bond. J'ai vu le diable et ses potes danser, des frustrés en ondes, le racisme ordinaire et ses sons dans la France profonde. Y a pas de gens méchants, y a des gens bêtes. Mais c'est pas de leur faute, hein. Y a des gens qui ont peur, ça c'est de leur faute. Des gens qui ont peur et qui assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. J'ai vu la violence progresser en terrain banalisé. Pour une clope, des mecs finir sur le sol inanimé. Des faits divers même en été, triste réalité. Le 4 contre 1, monnaie courante au royaume des sans pitié. J'ai vu la drogue faire des ravages dans le quartier. J'ai vu des gosses de 14 ans passer du chewing-gum aux opiacés. Les muscles devenir des fils de fer, le crâne bousillé. Des loups muets en agneau pour une dose injectée. J'ai vu qu'on était tous partagés entre le bien et le mal, le yin ou le yang. La sagesse, la folie, la tisse, le bang, nous esprits. Et suivre les fluctuations du fleuve de la vie. J'ai vu que la perte d'un être cher pouvait nous pousser au fond du puits. J'ai vu tant de choses néfastes m'empêchant de dormir la nuit. La jeunesse en déliquescence, prête à enflammer l'essence. Prête à enflammer l'essence. J'ai vu un océan de tristesse inonder ce monde. Des gens frappés par le malheur et des mecs prenant pour James Bond. J'ai vu le diable et ses potes danser, des frustrés en ondes. Le racisme ordinaire et ses sons dans la France profonde. Ah, la bêtise, c'est terrible. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde. C'est la bêtise. J'ai vu la folie scintiller au fond des yeux de l'homme. Tellement de gens brillaient, touchaient le fond et quand j'en fais la somme. Ça donne des tonnes et des tonnes de drames, la haine à son summum. À Babylone qui montera sur le podium. La bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est la bêtise. C'est la mauvaise fée du monde. C'est la sorcière du monde.